que je passe le titre, que j'éclate les vitres, écoute ça c'est le style. Représente mon équipe, ma ville, je kick pour la jeunesse du ghetto. Tous prisonniers du béton, c'est le rap des quartiers chauds. Chacun a ses raisons, ici ça part en couille pour de bon. Tous les bad boys ont pour seul objectif le Cayenne Magnum. Faut rester discret quand même, mec achète une boîte de capote. Dans l'ascenseur, plus d'une fois la concierge nous a vu pisser. Les plus vicieux sont ceux qui se font pas endormir leur fric. Et tout le monde a le ZZZF, une époque de fada. Les petits veulent niquer le B9 pour une paire de Prada. On a tous la da, il faut bien qu'on graille. On n'a pas les dents de la chance à la Yannick, non. Y'a plus de haine et de pétrole que d'amour et d'eau fraîche. Les SNS sont des totems que Dieu nous protège. Ça Bix, tu sors de tol, fais la bise. Tu cherches du taf, ya well, ou tu connais la famix. Tu connais la famix, tu connais la famix. Tu connais la famix, tu connais la famix. Tu connais la famix, elle est belle, elle est belle. Tout ça m'en te ralise. Tu connais la famix, tu connais la famix. Tu connais la famix, tu connais la famix. Tu connais la famix. Je débarque avec mon argot pour mes gadjis, mes gadjos. Les bourgeois deviennent barjots, ben fallait pas voter Sarko. Frérot, écrase ton bédo, y'a les hamas dans le rétro. Ils sont cramés dans toute la France, c'est la même forme Mondeo. J'suis une grande gueule, on veut que je la ferme, mais j'suis un haut-parleur. La joie de vivre dans la tristesse, c'est ce qui fait nos valeurs. J'suis la voix des arts, des braves, des mecs en marche, des frères d'en bas, des classes sociales qu'en bas, qui se tapent les barres alors que l'heure est grave. La voix des places gravées dans des gardes, des zonards, mangeurs de kebab, sapé en Burberry, Gucci ou bien G-Star. On se lève tous à 3h de l'après-midi avec la gueule dans le cul. On écoute tous les mêmes sons dans un Samsung à fond dans le bus. Peu importe où l'on vient, frère, peu importe où on crèche. On sait que la vie de rêve n'est qu'illusion, mais bon, faut faire avec. On a déjà surmonté la tâche, on a déjà surmonté la haine. On a tous appris à affronter, on avance en traversant la presse. Tu connais la famix, tu connais la famix. Tu connais la famix, tu connais la famix, tu connais la famix. Elle est belle, tout ça m'en te ralise. Tu connais la famix, tu connais la famix, tu connais la famix, tu connais la famix, tu connais la famix. Avec nous, contre nous, alors fais pas la hasse. On a la rage, on vit à l'arrache, on s'en bat la race. Je fais le constat de la vie de quartier, le béton, mon portrait craché. La rue reconnaît mon phrasé, je fais partie d'une jeunesse d'année. Clin d'œil aux frères condamnés, c'est mon en bas de l'escalier. La note est salée, on va pas se mettre à chialer. Y'a que des cassos locaux qui carburent à la popo. Je mouille le maillot comme mon vélodrome, popo, popo, popo. Tu connais la famix, tu connais la famix. Tu connais la famix, tu connais la famix, tu connais la famix. Elle est belle, tout ça m'en te ralise. Tu connais la famix, tu connais la famix, tu connais la famix, tu connais la famix, tu connais la famix. Ré-Cochet-Neuf, Ré-Cochet-Neuf, Ré-Cochet-Neuf, la famix, peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, on s'en bat les claouis. El Matador.